Auditrices, amis auditeurs, bonsoir. Vous êtes bien à l'écoute de RGM, Radio Guémouzeau, la radio qui a 41 ans maintenant. Et oui. Alors, calendrier des esclavages et des libérations. Eh bien, ce soir, le programme, c'est Acte terroriste à Paris, soutien aux Kurdes, par commentaire de Jean-Luc Mélenchon. Kurdes désintox contre la langue de bois, par Franck Lepage. Théologie. Mais pourquoi le pape François est-il de gauche ? Musique, la retraite expliquée de A à Z par la CGT. Serge Faubert, coupure de courant, le gouvernement dans le noir. Serge Faubert encore, Macron déraille sur les transports. On a pisté le parcours des déchets nucléaires. Et puis une petite revue de presse et ce sera tout pour ce soir. Le calendrier des esclavages et des libérations. Que s'est-il passé le 9 janvier? Bien, le 9 janvier 1882, par exemple, en Russie, loi sur la cessation des rapports d'obligation temporaire des paysans vis-à-vis des propriétaires fonciers. En 1882, on commençait à vouloir sortir du Moyen-Âge en Russie. 1885, Nouvelle-Guinée. Le télégramme suivant est envoyé à Bismarck, ouvrons les guillemets, les indigènes du rivage malcaïs refusent de reconnaître l'annexion allemande. 1905, Russie, suite au renvoi de 4 ouvriers des usines de Poutilov, l'assemblée des ouvriers des fabriques et usines de Saint-Pétersbourg se réunit. La grève qui commence s'étendra aux 140 000 travailleurs de la filature Neva et des chantiers Nevski. Une grève de 140 000 travailleurs en Russie en 1905. C'est pas en France en 2023 qu'on verrait des choses pareilles quand même, hein? Oh ben non, on est un pays moderne nous. 1909, Brésil. Les cheminots de la Great Western, compagnie anglaise, demandent 50% d'augmentation pour les salaires de moins de 250 000 reis par mois et 20% pour les autres. 50% d'augmentation au Brésil en 1909. Hein? Les Français qui sont pas syndiqués, qui votent pour Macron, ils auraient du mal de, hein? Eh oui, de demander un peu quelque chose. Ben oui, ben le Français, il est docile. Oh, ben, il suffit de caresser dans le sens du poil et puis il vote bien. Eh ben oui, il lit les bons journaux, il regarde les bonnes télés, et puis il vote bien. Voilà. La responsabilité de la compagnie en cas d'accident est de voyages gratuits supplémentaires par an pour les employés et leurs familles. Alors, 1924, Palestine, le Congrès général de la Fédération des cheminots décide de créer des organisations syndicales unitaires et internationalistes, groupant juifs et arabes. 1924. Ben oui. 1954, USA, à New York, présentation du premier cerveau électronique. C'était en 1954. Et maintenant, on en est à travailler sur l'intelligence artificielle, qui commence déjà à avoir des applications, qu'on ne nous dit pas toujours. Et ben non. Et il y a des avenirs qui sont parfois... Bon, ça n'est pas à mettre entre toutes les mains. Voilà, quand quelque chose est efficace, il faut faire attention à qui on met ça, à qui on le donne. Hein. Eh oui, 1962, France. Un accord conclu à l'entreprise Nerpic de Grenoble prévoit l'abaissement de l'âge de la retraite, la réduction de la durée du travail, l'amélioration des régimes de congés, la reconnaissance de fait de la section syndicale dans l'entreprise. En France, en 1962, vous rendez compte un peu? Quel pays c'était la France en 1962, hein? Ah oui, ben oui. 1973, Afrique du Sud, début d'une vague de grève, notamment dans le Natal. Environ 100 000 travailleurs y participent. 100 000 travailleurs participent à une grève en Afrique du Sud. Eh oui. Bon, en France, si on se fie à la télé, ça n'existe plus des choses comme ça, hein? Si on se fie à la télé, hein? 1977, Hongrie. Plusieurs intellectuels contestataires condamnés à la marginalité relèvent la tête et expriment publiquement leur soutien aux signataires de la charte 77. 1980, Arabie Saoudite. Les 63 hommes qui ont participé à l'attaque de la grande mosquée de la Mecque sont décapités sur la place publique dans 8 villes différentes. Ah oui, les religions. Les religions. Oh là là, les religions. Elles ont tué beaucoup de monde, les religions. Oh là là, et puis c'est pas fini. Et c'est pas fini. Il va falloir qu'on arrive à se libérer de ce truc-là. Hein? C'est un problème mental très, très, très important. Eh oui, bon. Mesdames, Messieurs, camarades, nous sommes venus vous présenter nos condoléances, vous dire notre tristesse et notre solidarité. Les trois qui ont été assassinés hier étaient trois militants politiques. Honneur à leur mémoire et à leur dévouement pour le combat commun. Parmi eux, il y avait notre camarade Evin, présidente des femmes kurdes, héroïne de la bataille contre Daesh et blessée sur le front. Honneur à sa mémoire. Et salut à tous ceux qui parmi vous, dans cette foule, je le sais, ont été des combattants de la première ligne, là-bas, loin, face à Daesh. Je sais qu'il y a parmi vous des pères et des mères, des frères et des sœurs, des enfants dont les parents ont été tués sur le front. Gloire à leur sacrifice et à la lutte qu'ils ont menée. Il y a 10 ans déjà, on a assassiné ici dans Paris 3 militantes et dirigeantes politiques kurdes. S'il avait été mené jusqu'au bout l'enquête nécessaire, peut-être aurait-on démantelé les réseaux, les complots qui ont permis l'acte terroriste d'hier. Nous réclamons, nous les insoumis, la délégation des parlementaires qui m'accompagnent et qui sont souvent en première ligne, à vos côtés, parfois même sur le terrain, à Kobané et ailleurs. Nous réclamons la levée totale du secret défense sur l'événement d'il y a 10 ans. La levée totale du secret défense. Quant à l'assassinat d'hier, nous savons qu'une enquête est engagée. Mais nous avons, nous aussi, beaucoup de savoir accumulé. Nous avons de l'expérience. Nous avons des connaissances. Ce sont celles des militants politiques. Et nous disons que d'après notre expérience, d'après nos connaissances, nous pensons qu'il n'y a pas de hasard hier et que ce qui s'est produit est un acte terroriste qui visait des militants politiques. C'est un acte terroriste. Hier, c'est un assassin qui a délibérément cherché à faire la terreur dans le centre culturel kurde. À l'heure où il y avait une réunion prévue pour discuter de la préparation de la prochaine rassemblement du 9 janvier pour commémorer l'assassinat et demander justice. C'est un terroriste et nous demandons que le parquet antiterroriste français soit saisi. Ce n'est pas une aventure individuelle. Voilà le message que nous sommes venus vous porter. Nous sommes de tout cœur, de toute la profondeur de notre affection, de notre fraternité de femmes et d'hommes engagés, à vos côtés, kurdes magnifiques, héros de la lutte contre l'obscurantisme et le fascisme qui à présent vous frappe et nous frappe par la même touche en même temps que vous. Honneur et gloire aux combattants kurdes. Vive les militants politiques kurdes. Vive la lutte pour la liberté et la démocratie contre les tyrans et les théocrates absurdes qui gouvernent la Turquie. partir du moment où on ne peut plus nommer quelqu'un un exploité, mais qu'on est obligé de l'appeler un défavorisé, cette personne n'est plus victime d'un exploiteur. C'est juste quelqu'un qui n'a pas eu de chance. La prophétie de George Orwell se trouve réalisée aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on nous a peu à peu supprimé tous les mots négatifs du vocabulaire qui nous permettait de nommer négativement le capitalisme et donc de le penser négativement, et qu'on ne les remplace par des mots positifs. À partir du moment où on n'a plus que de la pensée positive, on n'est plus en démocratie, puisqu'on ne peut plus penser les contradictions du capitalisme. À partir du moment où on ne peut plus nommer quelqu'un un exploité, mais qu'on est obligé de l'appeler un défavorisé, cette personne n'est plus victime d'un exploiteur, c'est juste quelqu'un qui n'a pas eu de chance. Et donc on s'est dit qu'il fallait absolument qu'on commence à se défendre, sauf que nous n'avons pas les moyens, aujourd'hui nous n'avons pas encore inventé les moyens de nous défendre contre du langage positif. Comment est-ce qu'on se bat contre la démarche qualité? Vous êtes contre la qualité, vous? Démarche qualité, c'est des gens qui se suicident aujourd'hui dans un certain nombre d'entreprises, puisque c'est pas une démarche qualité, c'est une démarche productivité, bien sûr. Comment est-ce qu'on se bat contre l'harmonisation des diplômes, contre l'autonomie des universités, tous ces jolis mots qui sont en fait des horreurs extraordinairement oppressives? Comment on se bat contre l'excellence? Comment on se bat, voilà. Eh ben, on sait pas. On sait pas, et donc les syndicats sont complètement coincés dans des effets de langage. Quand un licenciement collectif s'appelle désormais un plan de sauvegarde de l'emploi, eh ben allez vous battre contre un plan de sauvegarde de l'emploi quand vous êtes un syndicat. Et donc voilà, donc on s'est dit qu'il fallait rapidement qu'on mette en place des ateliers pour inventer la façon de se défendre contre ce vocabulaire, et c'est ça que sont les ateliers de désintoxication de la langue de bois. Je pense que le grand danger vient de la façon dont ce langage est en train de transformer nos métiers, nos façons de ne plus pouvoir nous représenter nos métiers. Quand une infirmière doit faire de la traçabilité, de la transversalité, suivre des protocoles, des process, elle n'a plus de métier. Elle a à la place une horreur qui s'appelle des compétences. Une compétence, c'est notre ennemi absolu. Une compétence, c'est le contraire d'un métier. Ça sert à empêcher de pouvoir penser en termes de métier. Une compétence, un métier, c'est du savoir-faire. Une compétence, c'est du savoir-être. Autrement dit, c'est une saleté. C'est un truc qui sert uniquement à se faire évaluer sur son comportement. Ça sert à obéir à une autorité, une compétence. Ça sert à rien d'autre. Et donc voilà, oui, je pense que on peut se défendre parce que nous en souffrons tous individuellement. Mais quand on fait les ateliers de désintoxication de la langue de bois, on se rend compte collectivement qu'on est tous des experts de ce truc-là. On est tous tout à fait à l'aise. Et le fait de s'en rendre compte à 50 dans une salle, ça crée une puissance tout à fait incroyable. On est tous à se dire qu'on en a ras-le-bol du projet et de la méthodologie de projet. Tous. On veut plus de ce truc-là. Pourtant, on est dans un système d'idéologie dominante où c'est le projet qui est actuellement le maître mot de l'idéologie capitaliste. Et donc, individuellement, on est obligé de continuer à faire des projets. Mais on sait tous qu'on ne devrait pas. Et donc, la question, ce qui est intéressant dans un atelier de désintoxication de la langue de bois, c'est d'être tout un tas à valider ensemble qu'on se fout de nous et qu'il va être temps de se défendre. Alors le petit exemple de langue de bois, il est très facile. Vous prenez des mots qui ne veulent strictement rien dire, mais qui ont l'air de dire quelque chose. Vous les mélangez dans n'importe quel sens. Enfin bref. Et puis avec une simple structure de phrase, vous vérifiez, vous faites croire que vous dites quelque chose. En réalité, vous ne dites strictement rien. Vous ne dites rien d'autre que ce qui est. Voilà. C'est à peu près aussi intelligent que ça. Donc là, je les ai mélangés. Alors voilà. Comme ils glissent pas. Je suis obligé de me mouiller les pouces, mais donc on pourrait dire un truc du genre « Mesdames, Messieurs, je voudrais revenir sur une question tout à fait essentielle aujourd'hui, qui est celle du diagnostic partagé, que je voudrais mettre en relation, en lien avec la question du lien social. Pourquoi aujourd'hui faut-il penser un diagnostic partagé autour de la question du lien social ?» Au fond, pour une raison extrêmement simple, c'est que à l'heure de la décentralisation, c'est désormais dans la décentralisation et à partir d'un diagnostic partagé que nous pouvons relever le défi de la mondialisation. Alors, inscrire le défi de la mondialisation dans une relation de proximité, cela suppose plusieurs choses. Cela suppose de repenser la citoyenneté sous l'angle des relations interculturelles, c'est-à-dire de l'inscription, si vous préférez, de la mondialisation dans l'espace désormais incontournable du local. Alors, à cette condition, je crois qu'on peut repenser d'une façon beaucoup plus adéquate la question un peu vague finalement de la démocratie sous la forme d'une procédure de participation avec les habitants. Et ça marche tout seul, ça vient tout seul. Je sais pas quelle est la prochaine, mais je veux dire, ça va marcher. Donc, parce que si on veut faire, je sais pas ce que c'est, hein, si on veut faire la participation avec les habitants, j'appelle ça du partenariat. Et ça veut dire qu'on prend les habitants pour des acteurs. Alors, des acteurs, ça suppose d'être sérieux avec eux, ça suppose de passer avec eux un véritable contrat de développement local. Et au fond, quand on est à gauche, quel plus beau projet. On s'autorise à penser dans les milieux autorisés. Alors ça, c'est encore un autre truc. Les milieux autorisés, vous y êtes pauvres. Hein. Nous allons parler dans cet entretien d'un mouvement catholique perçu pour beaucoup comme étant de gauche, né en Amérique latine. Alors désolé, oui, on va parler religion aujourd'hui dans ce nouveau numéro dont s'autorise à penser. Ce mouvement en question, c'est la théologie de la libération. Considéré comme un suppôt du diable marxiste et communiste pour les plus hostiles, mouvement catho-marxiste de gauche pour les plus bienveillants, ce versant théologique qui remet les questions de justice et d'émancipation sociale, d'écologie, est finalement très mal connu ici en Europe et en France. C'est pourtant de là que vient le pape actuel, le pape François, qui s'est régulièrement démarqué de ses prédécesseurs en fustigeant, blâmant régulièrement la mondialisation, le capitalisme et le comportement des classes sociales les plus riches. La théologie de la libération, c'est la question sur laquelle a décidé de se pencher Timothée de Roglaudre, qui a enquêté sur les origines de ce courant théologique, ainsi que sur ce qui le définit. C'est pour en parler que j'ai décidé d'inviter Timothée sur ce plateau. Salut Timothée. Salut Hervé. Donc tu es l'auteur des Moissonneurs, au cœur de la théologie de la libération. Moi j'ai envie de commencer par une question tout de suite très personnelle. D'ailleurs dans ton introduction, tu parles un peu à la première personne, t'expliques un petit peu comment t'en es venu à t'intéresser à la théologie de la libération. Donc tu nous expliques que tu l'as découvert un peu dans ton parcours initiatique, si je puis dire, vers la religion catholique et vers le Christ. Et dans ton parcours, que tu décris toi-même comme d'abord intellectuel et spirituel, bah c'est d'abord ta curiosité suscitée par le pape François qui t'a mené à t'intéresser, à découvrir déjà la théologie de la libération et ensuite à t'y intéresser plus de manière plus approfondie. Ouais, en fait, moi, je me suis converti au catholicisme il y a un peu plus de 2 ans. Mmh. Et j'ai été tout de suite très touché dans l'évangile et dans ce qu'on entend à l'église par l'aspect l'attention aux pauvres, l'attention à la question de la justice. Et très vite après cette conversion, il y a eu la 3e encyclique du pape François qui est sortie, qui s'appelle Fratelli Tutti, mmh. qui fait une critique très dure de la mondialisation néolibérale, qui parle de dogmes de foi, qui critique la théorie du ruissellement, etc. Ouais. Et donc moi, c'est des choses qui m'ont parlé, puisque j'avais déjà des idées très ancré à gauche depuis longtemps et ça m'a étonné en fait de voir la dissonance entre cette analyse du système économique et l'image que j'avais du catholicisme en France, c'est-à-dire un catholicisme assez bourgeois, conservateur, plutôt favorable au maintien de l'ordre social. Et donc j'ai essayé de comprendre d'où venait cette sensibilité chez le pape François. Et là, j'ai découvert qu'il avait été en fait formé en Argentine dans une variante de la théologie de la libération qui s'appelle la théologie du peuple, ouais. qui est un peu plus critique du marxisme que les autres courants de la théologie de la libération. On en reparlera. Mais donc en fait, cette histoire s'ancre dans l'Amérique latine de la seconde moitié du XXe siècle et a eu une résonance politique et théologique énorme. Et c'est justement en constatant avec mon éditeur Paul Picaretta que cette théologie de la libération était très peu connue en France, surtout parmi les jeunes générations catholiques, qu'on a décidé de faire cette enquête, à la fois enquête de terrain et enquête historique, pour faire découvrir de manière justement un peu initiatique cette théologie aux plus jeunes générations et plus largement aux chrétiens français. Alors, sommairement, comment tu peux justement définir ce qu'est la théologie de la libération ? Alors, faut savoir que c'est pas quelque chose de totalement homogène, il y a plusieurs écoles, si on peut dire, selon les différents diocèses ou pays d'Amérique latine où on se situe. Est-ce que tu peux, de façon grossière, nous expliquer ce que c'est ? Alors, je dirais qu'en fait, c'est un courant qui fait le lien entre la foi chrétienne et la justice sociale. Ça, c'est vraiment le cœur de son message. Et pour aller un peu plus dans les détails, je dirais qu'il y a eu 2 phases historiquement dans la naissance de la théologie de la libération. D'abord, une phase que le philosophe Michael Lewy appelle « christianisme de la libération », qui est vraiment un mouvement social né sur le terrain dans l'Amérique latine de la fin des années 50 et des années 60, dans en fait la résistance contre à la fois l'extrême pauvreté dans une Amérique latine en voie d'urbanisation et d'industrialisation à marche forcée, et également contre les dictatures militaires qui sont mises en place avec le soutien des États-Unis à l'époque, pour lutter contre l'effervescence révolutionnaire après le succès de la révolution cubaine en 1959. Et donc des chrétiens, des étudiants, des paysans, des ouvriers vont avoir l'intuition que le capitalisme est un système économique profondément injuste, inadapté à la réalité latino-américaine et surtout en contradiction avec la foi chrétienne, l'évangile et la tradition catholique. Et c'est dans un deuxième temps que des théologiens comme Gustavo Gutiérrez au Pérou ou d'autres vont formaliser ces intuitions-là en leur donnant vraiment un socle et en allant puiser à la fois dans les textes bibliques, dans la tradition catholique, mais aussi dans des références marxistes, plus ou moins orthodoxes, pour construire un système de pensée qui n'est pas une idéologie, qui n'est pas un programme politique, et donc qui a pu influencer des formes très différentes d'expression politique, de la social-démocratie de Lula au Brésil, aux zapatistes du Mexique, en passant par des mouvements de guérilla en Amérique centrale notamment. Oui, j'allais venir au Mexique par exemple, des mouvements qu'on connaît bien à gauche comme les zapatistes sont pour beaucoup des membres parmi les membres du mouvement des zapatistes sont adeptes de la théologie de la libération. C'est une construction liturgique en fait finalement. Enfin, ça construit la liturgie qui va ensuite déterminer les homélies dans l'Église et qui va effectivement mettre au centre les questions de justice et d'émancipation sociale. Ouais, en fait, ce qui s'est passé au Mexique, ça m'a beaucoup intéressé parce que c'est moins connu que d'autres histoires comme celle du Brésil. Mais effectivement, dans l'état du Chiapas, qui est un état avec une population très très indigène par rapport au reste du Mexique, il y a eu tout un travail pendant un demi-siècle mené sous l'impulsion d'un évêque, Don Samuel Ruiz Garcia, qui a été vraiment un travail de d'émancipation. Puisque les indigènes, en fait, à l'époque, étaient dans une situation quasiment féodale, donc c'est ce que me disent les théologiens que j'ai rencontrés là-bas, où ils étaient en fait quasiment la propriété des propriétaires terriens du Chiapas, et on voulait en fait leur enlever leur culture, leur langue, leur manière de s'habiller, de se nourrir, etc., pour les intégrer au système capitaliste mexicain et en fait en mettant en place une version un peu adaptée à la réalité du diocèse de la théologie de la libération. Cet évêque a préparé le terrain aux zapatistes, et donc dans les années 80 donc c'était des guérilleros plutôt influencés par Che Guevara, qui sont venus s'installer dans les montagnes du Chiapas et qui ont mené pendant une dizaine d'années un travail de conscientisation. Et en fait, ils se sont appuyés sur ce qui avait été fait par les catholiques, les catéchistes, etc., pour faire prendre conscience de leur situation d'exploitation aux indigènes, créer par exemple des coopératives de café pour s'émanciper économiquement. Et donc, en 94, il y a un soulèvement armé dans plusieurs endroits du Chiapas, notamment à San Cristobal de las Casas. Il va y avoir un affrontement assez court avec l'armée, puis surtout la mise en place d'un système politique autonome qui aujourd'hui recouvre un tiers de l'état du Chiapas. Et en fait, en rencontrant les divers visages catholiques du diocèse, y compris l'évêque actuel, j'ai compris que cette théologie de la libération était toujours très ancrée dans le diocèse. On l'apprend au séminaire. Le diocèse va vraiment s'opposer au projet minier ou aux paramilitaires qui tuent énormément de personnes dans le Chiapas. Et en fait, ça va un peu plus loin que ça, puisque j'ai rencontré des femmes de la coordination diocésaine des femmes, qui défendent une théologie de la libération à la fois indigène et féministe, et qui me disent que en fait dans le commandement armé, dans le noyau dur du mouvement zapatiste, la majorité sont des catéchistes ou des agents de pastoral du diocèse, même si la tête institutionnelle de l'Église ne s'est jamais positionné ouvertement en faveur des zapatistes, et même si l'évêque Don Samuel a été surtout une figure de paix et a coordonné la négociation entre l'armée zapatiste de Libération Nationale et le gouvernement. D'accord. Donc là, tu nous parles un petit peu du contexte mexicain. Pour resituer un peu le contexte, donc la théologie de la libération, c'est né au milieu du XXe siècle en Amérique latine, à une époque où, à part peut-être en Argentine qui était gouvernée encore par Perón à ce moment-là, et quand même périclitée par une multitude de dictatures. Donc tu t'es intéressé principalement au Mexique, mais tu t'es aussi intéressé au Brésil. Ouais, le Brésil, c'est vraiment, alors c'est non seulement le pays le plus peuplé d'Amérique latine, c'est un pays où il y a encore 123 millions de catholiques, mais c'est aussi le pays où la théologie de la libération a eu l'impact le plus fort. D'abord, dans un premier temps, dans la résistance contre la dictature militaire, puisque l'Église a commencé par soutenir la dictature militaire en pensant que ça lui permettrait d'éviter un péril rouge qui était complètement très largement fantasmé. Et donc, quand la dictature militaire a été mise en place, des étudiants catholiques, des religieux dominicains, des membres des communautés ecclésiales de base sont entrés en résistance contre la dictature, avec une figure très forte qui a été l'évêque Don Helder Camara, qui a porté la théologie de la libération et qui a dénoncé la torture pratiquée par la dictature à l'international. Et tout ce mouvement-là a retourné l'Église catholique brésilienne contre la dictature qu'elle avait soutenue initialement. Et l'opposition révolutionnaire marxiste ayant été complètement matée, c'est vraiment les catholiques qui ont pris le relais. Et donc, dans un deuxième temps, vers la fin de la dictature, il y a eu la création du Parti des Travailleurs, donc autour de Lula, qui était à l'époque une figure du mouvement syndical, et qui s'est en fait entouré de théologiens de la libération. Lula lui-même a une foi chrétienne très ancrée, et la théologie de la libération lui a permis de revenir à la foi qu'il avait un peu délaissée. Et en fait, l'organisation des communautés ecclésiales de base qui était apparue dans tout le Brésil, dans des endroits reculés où les prêtres ne voulaient pas se rendre, a permis au Parti des Travailleurs de mailler tout le territoire, de se répandre. Et donc tout ça a mené à la victoire de Lula à la présidentielle, et donc qui vient d'être réélu avec le soutien d'une majorité de catholiques, ce qui montre bien que la théologie de la libération a encore un héritage assez puissant dans ce pays-là, même s'il y a eu un déclin évident sous l'effet de plusieurs facteurs. Il y a eu des évêques, typiquement Dom Helder Camara, qui a été remplacé par un évêque conservateur, qui a un petit peu déconstruit tout ce qu'il avait mis en place en termes de pastoral. Donc il avait fait une banque alimentaire, il avait fait un média alternatif, il avait mis des terres à disposition de paysans pour qu'ils puissent cultiver. Tout ça a été détruit par son successeur. Il y a eu aussi la montée des évangéliques néo-pentecôtistes, qui avaient été très soutenus par les États-Unis à travers des missionnaires nord-américains et des programmes d'aide. Et en fait, ces mouvements-là ont parfois pris le relais des communautés ecclésiales de base, là où elles avaient été délaissées par l'Église catholique. Donc ça explique que les classes moyennes, populaires, évangéliques et protestantes plus largement soient très favorables à Jair Bolsonaro. D'accord. Alors, là, on a deux cas de figure assez différents. C'est intéressant parce que du coup, le Mexique, ça va être plutôt, si, en tout cas sur le terrain d'enquête que tu as pu explorer, ça va plutôt être une façon d'aider les gens à peut-être auto-organiser leur vie pour justement s'émanciper de la domination sociale, de la domination politique. Au Brésil, ça va avoir carrément un rôle politique puisque, comme tu le dis, elle a permis elle a contribué au renversement de la dictature, puis ensuite à l'avènement de Lula, l'avènement politique de Lula. C'est un courant, comme je disais en introduction, qu'on associe, j'ai un peu inventé le terme, mais un genre de christiano-marxisme. D'ailleurs, toi-même, tu l'as dit au cours de cet entretien, que il y avait des outils idéologiques issus du marxisme qui ont été un petit peu intégrés dans la théologie de la libération. Mais c'est quand même un peu plus compliqué que ça. Tu nous expliques aussi que la théologie de la libération, c'est quand même avant tout un mouvement chrétien, catholique, qui remet au centre la question de la pauvreté, de la domination des riches, de l'émancipation sociale. Mais au-delà des outils marxistes, des outils conceptuels venus de Marx, c'est avant tout le discours du Christ, en fait. Et, par exemple, le sermon sur la montagne qui est remis au centre. Oui, exactement. En fait, il y a souvent dans certaines sphères chrétiennes très conservatrices un cliché ou quasiment une théorie du complot selon laquelle la théologie de la libération, ce serait des marxistes qui se seraient infiltrés dans l'Église pour la subvertir de l'intérieur. Ouais. En fait, quand on regarde comment ça s'est passé, les figures pionnières de la théologie de la libération viennent toutes d'un arrière-plan chrétien et s'ancrent vraiment dans l'Évangile. C'est vraiment leur conviction première. Dans leur rapport au marxisme, en fait, certains outils marxistes, comme tu disais, la lutte des classes, l'analyse de l'exploitation de la valeur ajoutée, enfin voilà, des choses très très très classiques, ont été utilisées pour analyser la réalité sociale, pour dresser un diagnostic. Voilà, pour essayer de comprendre pourquoi la pauvreté était aussi massive en Amérique latine, quel était le lien de domination entre les pays du Nord et les pays du Sud, dans un rapport de centre-périphérie qui a été très très central dans l'analyse marxiste des relations internationales. Mais les les théologiens de la libération ne se revendiquent pas tous marxistes, même les plus grandes figures ne disent clairement « je ne suis pas marxiste ». Pourquoi ? Parce que ils n'ont pas embrassé l'idéologie marxiste, et notamment dans ses dimensions matérialistes et athées. Et donc, voilà, par exemple, pour les marxistes orthodoxes, la lutte des classes est le moteur de l'histoire. Pour les chrétiens, le premier moteur de l'histoire, c'est l'édification du royaume de Dieu qui doit se produire lors de la victoire finale du Christ sur la mort. Ça, c'est pour les chrétiens, c'est ce qui détermine l'histoire. Et donc la lutte des classes ne peut pas remplacer cette histoire-là, mais elle peut expliquer un certain nombre de choses. Et de la même façon, les théologiens de la libération se distancient aussi du marxisme orthodoxe dans leur vocabulaire, dans le sens où ils vont plutôt parler de pauvres que de prolétaires. Ouais. Pourquoi ? Parce que la notion de pauvreté, elle est omniprésente dans les textes bibliques, ouais, et elle correspond beaucoup mieux à la réalité latino-américaine, qui est une réalité encore très rurale, ouais, avec beaucoup de paysans qui se retrouvent sans terre parce que le modèle agro-industriel à l'occidental se répand. Beaucoup moins industrialisé qu'en Europe. Pour les gens qui pourraient, par ethnocentrisme, penser que voilà, c'était un peu comme en Europe, pas du tout. On est sur une économie beaucoup plus agraire qu'en Europe. Exactement, on n'a pas du tout autant d'usines à l'époque qu'on peut avoir en Europe, de mouvements syndicaux très ancrés, etc. Et donc la figure paysanne, qui est aussi une figure de lutte dans l'histoire de l'Amérique latine, est très centrale dans la théologie de la libération, alors que pour le marxisme orthodoxe, les paysans sont, d'après les termes de Marx, des sacs de pommes de terre qui peuvent pas avoir de conscience de classe, parce qu'ils défendent un petit peu chacun leur précaré. Et les théologiens de la libération sont en rupture avec ça. Donc en fait, on voit bien qu'il y a une distance critique permanente vis-à-vis de ce marxisme orthodoxe très matérialiste, très scientifique, un petit peu froid aussi, qui a prédominé dans les pays de l'Est. Et donc les théologiens de la libération sont beaucoup plus intéressés par tout le mouvement du socialisme utopique, où des penseurs marxistes hétérodoxes comme Ernst Bloch, le philosophe allemand qui a écrit Le Principe Espérance et qui a aussi contribué à faire connaître la figure de Thomas Münzer, qui était un prédicateur protestant qui a lutté aux côtés des paysans allemands. Et donc voilà. Et pour les chrétiens, l'utopie n'est pas une espèce de déconnexion vis-à-vis de la réalité, mais c'est le moyen de ne pas absolutiser la révolution, le parti, etc. Donc Gustavo Gutiérrez, qui est un peu le père fondateur de la théologie de la libération sur le plan formel, dit que l'espérance chrétienne dans le royaume de Dieu permet de ne pas absolutiser la révolution. Au Brésil, Frei Beto dit la politique devient mesquine quand elle perd l'horizon de l'utopie. Donc c'est très intéressant parce que ça permet de se rappeler que en fait, une fois que la révolution est au pouvoir, ou une fois qu'on a gagné une lutte sociale, etc., rien n'est fait, en fait. Tout commence et tout est en permanence à réinventer. Toujours réinventer une nouvelle utopie. Exactement. Et ça permet aussi d'éviter... Et ça permet aussi, pour avoir le cap de l'horizon, et pour éviter... Ça permet aussi d'éviter les dérives autoritaires ou anti-religieuses ou autres qui ont caractérisé le socialisme des pays de l'Est. Tout à l'heure, tu parlais, pour répondre directement à ma question sur mouvement christiano-marxisme, tu parlais effectivement de théorie du complot. Il y avait effectivement beaucoup de théories du complot, d'ailleurs y compris ici, quand on entend les catholiques conservateurs en France parler du pape François, ils le qualifient volontiers de diable, justement parce qu'ils ne sont sans doute pas étrangers au fait qu'il vient de la théologie du peuple. Mais ça, c'est aussi pour ça, d'ailleurs, que l'histoire de la théologie de la libération, depuis sa naissance, c'est aussi se heurter aux différentes dictatures dans lesquelles elle a évolué. Et du coup, elle a dû faire face à une très très forte répression. Oui, oui, complètement. En fait, dès les années 60, la CIA, en coopération avec les dictatures militaires en place en Amérique latine, a commencé à se préoccuper de la théologie de la libération et à vouloir la contrer en soutenant sa répression et en soutenant aussi des mouvements chrétiens conservateurs qui pourraient un petit peu contrebalancer son influence. Et donc tout ça a mené à des effusions de sang absolument terribles, donc des prêtres, des religieuses et même des évêques ont été tués. Le prêtre à San Salvador qui se fait tirer dessus qui se fait assassiner en pleine homélie. Absolument, c'est le cas le plus emblématique, celui de Monseigneur Oscar Romero qui était donc archevêque de San Salvador, qui était plutôt à l'origine conservateur et qui a été vraiment converti par l'expérience de la pauvreté dans son diocèse et par l'assassinat d'un de ses prêtres, le père Rutilio Grande. Et donc en 1980, il devient une espèce d'ennemi déclaré du régime dictatorial soutenu par les États-Unis. Il appelle les soldats à désobéir à la loi, ce qu'il appelle la loi du péché, au nom de leur conscience, au nom de leur foi. Il reprend vraiment les intuitions de la théologie de la libération à son compte. Et il va être assassiné en pleine messe, en pleine homélie, par des escadrons de la mort mandatés par la dictature. Et donc le Vatican est resté relativement silencieux pendant un certain temps sur cet assassinat. Mais en 2018, le pape François a fait canoniser Monseigneur Oscar Romero, c'est-à-dire que c'est devenu un saint pour l'Église, alors que ça avait été assez difficile sous les pontificats précédents. C'est un symbole très fort, oui, parce que justement, la théologie de la libération, sans peut-être avoir été autant réprimée par l'Église, n'avait pas quand même très bonne cote, que ce soit auprès du pape Jean-Paul II ou du pape Benoît XVI. C'est détonnant comme ça de béatifier un prêtre issu de la théologie de la libération. On voit vraiment le changement entre les pontificats de Jean-Paul II et Benoît XVI et celui du pape François, qui est vraiment celui de la réconciliation avec la théologie de la libération. Donc non seulement lui-même est issu de la théologie du peuple, ce qui se ressent en fait dans ses priorités, dans les termes qu'il utilise, etc. Mais il a aussi réhabilité ceux qui avaient été un petit peu pointés du doigt sous Jean-Paul II et Benoît XVI. Il a reçu dès la première année de son pontificat Gustavo Gutiérrez au Vatican. Il a aussi réhabilité le père Ernesto Cardenal, qui a été ministre de la Culture dans le premier gouvernement sandiniste au Nicaragua, et qui avait été sermonné par Jean-Paul II, qui était en visite. Exactement, il était en visite à Managua, et sur le tarmac de l'aéroport, il lui a fait un geste de réprimande, et suite à cette image qui a été très très médiatisée, le père Ernesto Cardenal avait été interdit de ministère, il pouvait plus célébrer la messe, etc. Et en fait, quelques mois avant sa mort, le pape François l'a réhabilité dans son sacerdoce. Voilà, il a eu d'autres gestes similaires avec d'autres figures de la théologie de la libération. Et donc on voit bien que le style a changé, alors que dans le discours de Benoît XVI, il y avait quand même encore l'idée que la théologie de la libération s'était trompée, que c'était une espèce de millénarisme ou de messianisme terrestre qui avait été complice de régimes totalitaires, etc., alors que c'est absolument pas le cas, parce que comme je disais avant, les théologiens de la libération se sont tout de suite distanciés de toute forme totalitaire de socialisme ou de communisme. Thank you. Retraite, ça me paraît loin. En plus, j'y comprends pas grand-chose. Alors, pour comprendre, j'ai demandé à lui. Lui, c'est Gilbert, mon arrière-grand-père. Et ça, c'est lui quand il était petit. Sa moustache n'existait pas encore, mais il y a quelque chose d'autre qui n'existait pas encore à l'époque. Le droit à la retraite. Quand on n'avait plus la force de travailler, c'était aux enfants de s'occuper des vieux. Et quand c'était pas possible, la seule solution pour les plus pauvres, c'était de travailler jusqu'à très vieux. Quitte à avoir des accidents ou d'accepter de mourir sans rien. Pas top comme fin de vie. En 1945, après la guerre, les choses ont changé. D'abord, sa moustache a poussé. Mais surtout, le système de retraite par répartition a été créé. C'est le ministre du Travail, Ambroise Croizat, un métallo, qui l'a mis en place, avec le soutien des travailleurs et travailleuses. Il faut en finir avec la souffrance, l'indignité et l'exclusion. Désormais, nous mettrons l'homme à l'abri du besoin. Nous ferons de la retraite non plus une antichambre de la mort, mais une nouvelle étape de la vie. Il a créé ce qui s'appelle le système de retraite par répartition. D'or. Non, pas pour dormir, au contraire. D comme démocratie. Parce que les représentants des salariés gèrent le système. Depuis 1967, ils se partagent les sièges avec le patronat. O comme obligatoire. Tous les salariés cotisent, c'est la règle. R comme répartition. Quand les salariés cotisent pour leur retraite, l'argent finance directement les pensions des retraités sans passer par les marchés financiers. S comme solidaire. Chacun cotise selon ses moyens et reçoit selon ses besoins. Les travailleurs et travailleuses ont les mêmes droits en cas de congé maladie, d'accident de travail ou quand ils attendent un enfant. Certes, ils ne cotisent pas, mais ces périodes sont quand même prises en compte pour calculer l'âge de départ. Dès sa création, le patronat a toujours attaqué la sécurité sociale. Au fil du temps, il a fait pression pour détricoter le système en s'attaquant aux droits et en cherchant à s'affranchir des cotisations sociales. Mais la CGT, les travailleurs et travailleuses, se sont toujours battus. Et ils avaient raison. Même s'il faut l'améliorer, le système de retraite français reste l'un des meilleurs au monde. On peut en être aussi fier que de nos fromages. La majorité des retraités, même s'ils ne travaillent plus, vivent aussi bien que les travailleurs. Avec l'amélioration des conditions de travail et de l'accès aux soins, on vit plus longtemps. Alors, vivement la retraite, non ? Pas tant que ça. D'abord, les inégalités persistent. L'écart d'espérance de vie en bonne santé est de 10 ans entre un ouvrier et un cadre. La baisse des droits pèse de plus en plus lourd sur le niveau de vie des retraités. Demain, le gouvernement voudrait nous faire travailler jusqu'à 65 ans contre 62 ans aujourd'hui. Ça ne paraît pas beaucoup, mais imaginez tout ce qu'on peut faire en 3 ans. En plus, ça va faire baisser le niveau des pensions. Cette mesure permettrait de financer les hôpitaux et les écoles. Mais de l'argent, il y en a. Les travailleurs n'ont jamais produit autant de richesses. Il n'y a pas que la CGT qui le dit. Les entreprises rapportent de l'argent au pays. Alors, où passe l'argent ? À voir les records du CAC 40, j'ai bien une petite idée. Le système de retraite actuel est juste. Il a simplement besoin d'un petit coup de neuf. Pour commencer, pourquoi ne pas augmenter les salaires et le taux de cotisation ? Et puis, il serait temps de payer autant les femmes que les hommes. Allez hop ! Ensuite, ça ne va pas plaire aux chefs d'entreprise, mais il faudrait mettre fin aux exonérations de cotisations sociales. Et enfin, pourquoi ne pas taxer les profits financiers ? C'est ce que propose la CGT. Tout ceci permettrait de financer le départ à la retraite à 60 ans, de garantir un revenu de remplacement à 75% du revenu net d'activité, la prise en compte des années d'études et une pension minimum au niveau du SMIC. Trop beau pour être vrai ? En fait, non. Ce sont simplement deux visions opposées de la modernité. La différence entre le gouvernement et la CGT. Le premier privilégie l'économie et le profit, et le second, le bien-être des travailleurs et travailleuses et de leurs familles. Et vous, qu'est-ce que vous voulez ? Les patients qui sont en haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. Les personnes malades à domicile seront toujours prises en charge. Ces gens qui ont besoin de l'énergie pour se chauffer, pour se déplacer, qu'est-ce qui va se passer ? Effectivement, les services de secours ne pourraient sans doute pas être appelés partout. Les écrans numériques publicitaires aujourd'hui ne sont pas impératifs et qui pourraient être coupés. Pas de panique. Les députés qui ont l'impression que le gouvernement ne dit pas tout sur les coupures de courant à venir, le Rassemblement national qui piège la France insoumise et l'indignation à géométrie variable des macronistes. C'est le sommaire de ce numéro 23 du Bourbon de Serge. La communication de crise, c'est un métier. Et visiblement, Emmanuel Macron n'a pas terminé son apprentissage. Samedi dernier, depuis les États-Unis, il se voulait rassurant. Pas de panique. Ça sert à rien. Et c'est pas vrai. Eh bien, c'est raté. Non seulement le président de la République n'était pas très crédible dans son rôle de père de la nation, mais un grain de sable est venu perturber le scénario. Cette déclaration du porte-parole d'Enedis, lundi soir. Vous allez couper le courant chez les personnes qui ont un respirateur. Je rectifie ce que vous dites, pardonnez-moi. Les patients qui sont en haut risque vital ne font pas partie des clients prioritaires définis par les préfectures. D'accord ? Oui. Donc, comme ils sont éventuellement délestables, on fait attention en particulier à eux. Des propos qui ont alarmé tous les députés. Du coup, la première ministre a été obligée de monter au créneau. Et contrairement à ce que des propos maladroits ont pu laisser penser, nos hôpitaux seront toujours alimentés en électricité et les personnes malades à domicile seront toujours prises en charge. Mais trop tard. Le mal est fait. Comme dans la crise du Covid, le gouvernement est en train de se prendre les pieds dans le tapis. Et cette fois, les députés n'ont pas envie de se faire balader par l'exécutif. Mais l'énergie, on en a besoin pour vivre. Même si un gars de chez Enedis nous dit que quand on est sous assistance de respiration, 140 000 personnes sont concernées. Lorsqu'on est en hémodialyse à domicile, on ne serait pas des publics prioritaires. Mais les personnes âgées, les éleveurs laitiers qui sont à la traite des vaches au moment où ils veulent couper le jus... Ces gens qui ont besoin de l'énergie pour se chauffer, pour se déplacer, qu'est-ce qui va se passer ? Sans parler des conséquences sur l'emploi. Hier, on apprenait que le propriétaire des marques William Saurin et Garbit va arrêter provisoirement 4 de ses 8 usines à cause du prix de l'énergie. Pour y faire face et éviter les coupures, certaines entreprises ont décidé de travailler pendant les heures creuses. J'ai une entreprise à Dieppe, Toshiba pour ne pas la citer, qui a proposé à ses salariés qui l'ont accepté. De travailler en heure creuse, c'est-à-dire le vendredi, samedi, dimanche, au lieu de travailler la semaine pendant plusieurs mois. Mais c'est ça que l'incurie du gouvernement permet. Et c'est évidemment pas acceptable. S'il n'y a plus d'électricité, comment les Français vont-ils appeler les services de secours? C'est la question pertinente que pose Olivier Marleix. Est-ce que des services de secours pourront être appelés depuis partout en France? La directrice générale d'Orange, au Sénat, il y a quelques jours, a dit qu'effectivement, les services de secours ne pourraient sans doute pas être appelés partout. Donc il y a quelques vrais sujets qui se posent. Le gouvernement manque un petit peu de transparence sur ce sujet-là, comme sur toutes les questions de l'énergie d'ailleurs. Le gouvernement se veut le champion de la sobriété énergétique, très bien. Mais où est le plan qui permet de réduire de 10% la consommation électrique du pays? On a un gouvernement qui nous a beaucoup parlé de sobriété, il est temps de la planifier. C'est-à-dire d'inciter, voire peut-être de voir s'il y a des mesures contraignantes qui doivent être prises auprès des entreprises, parce que je sais que les particuliers font déjà énormément d'efforts, et deux, d'arrêter un certain nombre de gaspillages. Je pense qu'on peut tous se dire que les écrans numériques publicitaires aujourd'hui ne sont pas impératifs et qui pourraient être coupés. Sur les 56 réacteurs du parc nucléaire français, 18 sont encore à l'arrêt. Certains sont en maintenance, d'autres présentent des problèmes de corrosion. Résultat, la production d'électricité reste insuffisante. Personne ne conteste cette explication, sauf Nicolas Dupont-Aignan. Les éoliennes, on en a installé des milliers, 8000, et en fait, elles fournissent pas l'électricité quand il n'y a pas de vent. Et donc, on est en risque de pénurie parce que le gouvernement a cette folie de vouloir couvrir la France d'éoliennes qui ne marchent pas quand il n'y a pas de vent et qui sont couplées à du gaz ou du charbon allemand. C'est quand même pas génial. Donc moi, ce que nous demandons, c'est la réouverture de Fessenheim. On peut le faire pas en 15 ans, on peut le faire en 2-3 ans. N'en déplaise au président de Debout la France, il faudrait plusieurs Fessenheim pour compenser les insuffisances de la production d'électricité. Les éoliennes et les écologistes ne sont pour rien dans la faillite des infrastructures nucléaires. En politique, on appelle ça la stratégie du baiser qui tue. Il s'agit de faire semblant de voler au secours de son adversaire pour mieux le discréditer. Car s'il accepte, il passe pour un traître aux yeux de son propre camp. Et s'il refuse, il passe pour un dégonflé. Une bonne illustration en a été donnée mardi à l'Assemblée nationale. Et l'histoire de ce coup politique mérite d'être contée dans les moindres détails. Ce matin-là, devant les journalistes venus assister à la présentation de la niche parlementaire du RN, le 12 janvier, Marine Le Pen annonce que son groupe entend reprendre une proposition de loi présentée par Caroline Fiat, députée insoumise de Meurthe-et-Moselle. Il s'agit de la réintégration des soignants suspendus pour avoir refusé de se faire vacciner contre le Covid. Ce texte avait été présenté par la France Insoumise le 24 novembre dans le cadre de sa journée d'initiative parlementaire. Mais il n'avait pu être voté avant l'expiration de la journée en question, les macronistes ayant joué la carte de l'obstruction. Cette fois, l'examen de la proposition de loi a toutes les chances d'arriver à son terme. Le RN l'a placé en 4e position sur la liste des textes qu'il présente. Les journalistes sont interloqués. Marine Le Pen justifie son choix de reprendre la proposition de Caroline Fiat. J'ai évidemment échangé avec Caroline Fiat sur ce sujet. J'ai le sentiment que le groupe La France Insoumise n'est pas ravi de notre proposition. L'intérêt de reprendre ce texte, c'est que ça nous fait gagner une heure de discussion générale. Voilà. Puisque l'on reprend le texte là où il s'est arrêté, et il m'apparaît que, comme il peut être voté, eh bien, il est utile qu'il le soit. Pour le reste, bien entendu, j'appelle tous ceux qui partagent nos objectifs à voter avec nous. C'est le principe même de l'Assemblée nationale. Je veux dire, je trouve que ce débat est d'une puérilité extrême qui consiste à dire, mais comment est-ce que vous allez accepter que d'autres que vous votent sur vos textes? Ben bien sûr, non, mais non seulement j'accepte, mais je les appelle à voter nos textes, parce que moi, mon objectif, c'est que ces textes soient votés. Mais pour que la proposition de loi soit examinée, il faut au préalable que la commission des affaires sociales désigne un rapporteur, c'est-à-dire le député qui défendra le contenu du texte dans l'hémicycle. Justement, ce même mardi, quelques heures après le point de presse, la commission en question se réunit. La présidente lance le débat. Il est d'usage donc que le groupe concerné puisse désigner un co-rapporteur dans le cadre de sa journée réservée. Et le groupe Rassemblement National propose donc la candidature de Monsieur Frédéric Falcon. Caroline Fiat demande la parole. Si on ouvre la boîte de Pandore, si on commence à autoriser de faire ceci. Demain, un groupe prend une proposition de loi sans être co-signataire, en étant co-rapporteur. On déshabille totalement la proposition de loi. Vous resterez signataire de votre proposition de loi. Elle n'aura plus aucun sens. Et je demande, Madame la Présidente, que soit mis au vote ce co-rapporteur. Caroline Fiat a raison. Ce qui est en train de se passer est du jamais vu. C'est sans doute le premier acte de piraterie parlementaire de la Ve République. Comme on détourne un avion, le RN détourne une proposition de loi. Et c'est ce qui choque tous les parlementaires. Les Républicains, qui pourtant sont pour la réintégration des soignants suspendus, affichent leur indignation. Donc, sur le fond, tant mieux si, quelle que soit la niche de quelques groupes qu'il y ait, eh bien, il n'y ait pas d'obstruction du gouvernement et qu'on puisse faire passer cette mesure de bon sens pour éviter d'être la risée de toute l'Europe. Maintenant, sur le fond, cautionner le piquage de lois entre les différents groupes, ça, on ne peut pas l'admettre, quels que soient les faits qu'on soit d'accord sur le fond. Le co-rapporteur pressenti, Frédéric Falcon, député RN de l'Aude, prend la parole. Alors, je vous entends parler de piraterie, je vous entends parler de vol. Absolument pas. Ce texte reste celui de Madame Fiat et reste celui de la France insoumise. Il n'y a plus de majorité. Il n'y a plus de majorité absolue dans cette assemblée. Il va peut-être aussi falloir apprendre la co-construction. Oui, ça vous fait rire, mais. Nous votons par ailleurs un certain nombre d'amendements, de propositions de loi de la France insoumise. Pour le socialiste Arthur Delaporte, c'en est trop. Vous évoquez la co-construction, mais où est la co-construction quand vous n'avez jamais évoqué avec l'auteur du texte la possibilité de le reprendre en ayant sollicité son avis? Vous imposez les choses. C'est un acte anti-parlementaire que vous êtes en train de faire et c'est contraire à l'esprit de nos institutions. C'est le moment que choisit Laure Lavalette pour planter ses banderilles. Ce texte aurait pu faire consensus puisque sept groupes d'opposition allaient le voter et que c'est le gouvernement lui-même qui a fait obstruction, je le rappelle quand même. C'est quelque chose qui n'existe jamais. Donc mes chers collègues de la NUPES, je suis très étonnée. Vous devriez... Encore une fois, si vous vouliez vraiment que ce texte passe, être ravi qu'il soit repris. Et voilà l'AFI qui se retrouve accusée de ne pas vouloir que les soignants suspendus soient réintégrés, alors même qu'elle a déposé une proposition de loi en ce sens. Les mâchoires du piège tendu par le RN viennent de se refermer. La commission passe au vote. Donc, qui est pour la candidature de Monsieur Falcon pour la proposition de loi, donc de Madame Fiat, et cela a été dit. Qui est pour ? Très bien. Qui est contre ? Très bien. Donc, la candidature de Monsieur Falcon est rejetée. La situation est inédite. Le RN va présenter une proposition de loi sans rapporteur issu de ses rangs. La seule solution envisageable techniquement, c'est que Caroline Fiat présente à nouveau son texte dans le cadre de la niche du Rassemblement National. Dans un tweet, la députée s'y déclare prête, ravie de prendre le RN à son propre jeu. Ce sera donc moi seul comme rapporteur. Tel est pris qui croyait prendre. Aussitôt Stéphane Séjourné, le chef du parti Renaissance, monte au créneau. Nous pensions que les digues sauteraient d'abord entre la droite et l'extrême droite, mais ce soir c'est bien l'extrême gauche et la NUPES qui franchissent une nouvelle étape dans leur lune de miel avec les lepénistes. Au sein de la NUPES, ça tangue. Pour les socialistes, il n'est pas question de prêter le flanc aux accusations de collusion, surtout à la veille d'un congrès qui pourrait se révéler délicat. Qui plus est, les autorités sanitaires sont toujours hostiles à la réintégration des soignants suspendus. Dans cette affaire, il n'y a donc que des coups à prendre. Toute la soirée de mardi, les téléphones chauffent. Mercredi matin, Olivier Faure hausse le ton. Quand le RN tend un piège, le mieux est de ne pas sauter dedans à pieds joints. À aucun moment et sous aucun prétexte, il ne peut y avoir de confusion entre la gauche et l'extrême droite. Une heure plus tard, le groupe LFI annonce dans un communiqué qu'il retire son texte. Non pas à cause des amalgames qui sont faits entre les insoumis et les lepénistes, mais parce que, avec plus de 300 amendements à examiner, il faudrait 15 heures de débat pour aller au bout du texte. Un prétexte commode qui évite au groupe de la France insoumise de reconnaître qu'il s'est planté. L'histoire ne s'arrête pas là. Le Rassemblement national a joué au coucou avec un autre texte. Toujours dans le cadre de sa niche du 12 janvier, il avait prévu de reprendre une proposition de loi adoptée à l'unanimité par le Sénat en octobre. Déposée par la sénatrice centriste Valérie Létard, le texte crée une aide d'urgence pour les victimes de violences conjugales. Le hold-up lepéniste suscite l'émoi général. La conférence des présidents de groupe du mardi s'empare du sujet. Pour Yaël Braun-Pivet, la présidente de l'Assemblée, il n'est pas question de laisser le Rassemblement national s'approprier un texte aussi consensuel. On négocie. aussi. Marine Le Pen accepte de renoncer à reprendre la proposition de loi de Valérie Létard. Le texte sera présenté le 16 janvier dans le cadre de la semaine de l'Assemblée nationale. C'est la majorité présidentielle qui en définit l'ordre du jour. En échange de ce beau geste, le RN obtient d'être co-rapporteur de la proposition de loi avec un député du groupe Liot. Bizarrement, le patron de Renaissance, Stéphane Séjourné, si prompt à tweeter, n'a pas vu dans cette désignation une quelconque collusion avec le Rassemblement national. Un instant de distraction, certainement. Merci d'avoir regardé ce numéro du Bourbon. N'hésitez pas à le partager, à liker et à vous abonner à la chaîne, sans oublier de cliquer sur la cloche. Et puis, pour nous soutenir financièrement, c'est par là. Je le sais, vous êtes déjà sollicité. Mais nous avons absolument besoin de vous pour continuer et nous développer. À lundi pour Pôle Express et pour le Bourbon, c'est le jeudi. Sinon rien! L'orchestre Horizon présente dix grandes agglomérations, dix grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains RER. Je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons pour répondre aux abus qui ont eu lieu sur le recours à des cabinets de conseil. Ça veut dire aller faire de l'écologie populaire, aller renouer avec les quartiers populaires, avec les ruralités. Avec... Emmanuel Macron qui annonce, sans prévenir, la création de 10 réseaux de transport ferroviaire métropolitain. Bruno Le Maire qui reconnaît que l'État a abusé avec le cabinet de conseil McKinsey. Les écologistes qui désavouent Sandrine Rousseau et Yannick Jadot. C'est le sommaire du numéro 4 de Pôle Express. Hier soir, un jeune YouTuber a eu une idée de génie. Pour tenir notre ambition écologique, je dote d'une grande ambition nationale qui est, dans 10 grandes agglomérations, 10 grandes métropoles françaises, de développer un réseau de RER, de trains urbains. C'est se dire, au fond, le RER, ça n'est pas que sur Paris. Et c'est un super objectif pour l'écologie, l'économie, la qualité de vie. En voilà une idée qu'elle est bonne, comme aurait dit Coluche. Mais l'idée n'est pas si nouvelle que ça. En juillet dernier, le patron de la SNCF, Jean-Pierre Farandou, plaidait déjà pour la création de RER métropolitains dans 13 grandes villes françaises. C'était dans le cadre d'un plan global visant à faire passer la part du ferroviaire de 10 à 20% dans les transports. Coût estimé 100 milliards sur 15 ans. En octobre de cette année, 15 présidents de région ont repris à leur compte ce projet. Le message a donc fini par arriver à l'Élysée. On sait déjà que Lille, Strasbourg, Bordeaux, Lyon ou Marseille sont sur la liste des métropoles concernés. En revanche, pour ce qui est des financements, c'est très mal parti. Début novembre, lors de l'examen du projet de loi de finances, les Républicains, le PS et la France Insoumise ont voté un amendement accordant 3 milliards d'euros aux ferroviaires. Rien d'exorbitant, un rapport du Sénat mis en ligne aujourd'hui estime qu'il faut débourser à peu près 4 milliards chaque année pour renouveler le réseau. La suite, on la connaît. Le gouvernement a sorti son 49-3 et l'amendement sur le ferroviaire n'a pas été repris dans la version du projet de loi de finances adopté sans vote. Alors comment va-t-on financer cette dizaine de RER en sachant que les enveloppes budgétaires sont toujours dépassé. À titre de comparaison, le chantier du Grand Paris Express était estimé à 22 milliards d'euros à son lancement en 2012. 10 ans plus tard, on en est en euros constants à 36 milliards. Les projets, c'est bien beau. Encore faudrait-il s'assurer que ce qui existe fonctionne. Or, depuis 3 mois, le RER est devenu le cauchemar des franciliens. Rien ne marche. L'explication, la vétusté des infrastructures et les sous-effectifs. Il manque au bas mot 200 conducteurs et 150 agents en gare. Résultat, les trains sont moins nombreux et des sardines dans une boîte sont mieux loties que les passagers. Pour ce qui est des bus, il manque là aussi plusieurs centaines de conducteurs, au point que la RATP gratifie d'une prime ceux de ses agents qui lui amèneront une nouvelle recrue. Bref, on assiste à un effondrement général des transports en commun en Île-de-France. Et au même moment, on apprend que le Pass Navigo va grimper de 75 euros à 90 euros pour faire face à l'explosion des coûts de l'énergie. De quoi être énervé. Heureusement, on a maintenant Jean Castex à la tête de la RATP. D'accord, il ne peut pas parler à la moitié des ministres parce qu'il les a eus sous ses ordres et que cela constituerait un conflit d'intérêts. Mais on a confiance. Vendredi à Dijon, Emmanuel Macron a été questionné par les journalistes qui l'accompagnaient sur l'intérêt manifesté par le parquet national financier pour ses campagnes de 2017 et 2022. Mes comptes de campagne de 2017, ils ont déjà été soumis à toutes les procédures, aux juges, ils ont été validés par les procédures que nos lois prévoient. Ceux de 2022 sont en chemin comme tous les candidats. Moi, je pense que c'est une très bonne chose et que toute la lumière soit faite et que la transparence soit faite. Je crois que le cœur de l'enquête n'est pas votre serviteur. Emmanuel Macron affirme ne pas être concerné. C'est à voir. En octobre dernier, le PNF a ouvert 2 informations judiciaires. La première sur la tenue non conforme de comptes de campagne et minoration d'éléments comptables dans un compte de campagne portant sur les conditions d'intervention de cabinets de conseil en 2017 et 2022. Pour le dire autrement, les magistrats se demandent si les prestations du cabinet de conseil McKinsey n'auraient pas été sous-facturé. La seconde information judiciaire porte sur les conditions d'attribution de marchés publics au groupe McKinsey. Cette fois, les magistrats se demandent s'il ne s'agit pas de contrepartie liée à l'implication du cabinet de conseil dans la campagne électorale du chef de l'État. Ces 2 informations judiciaires font suite à l'enquête préliminaire ouverte le 31 mars dernier par le parquet. Le cabinet McKinsey est soupçonné de fraude fiscale aggravée. Une enquête qui elle-même est partie d'un rapport du Sénat publié au mois de mars. Celui de la commission d'enquête sur l'influence des cabinets de conseil privés sur les politiques publiques. Hier, pour la première fois, Bruno Le Maire a reconnu des abus dans le recours aux cabinets de conseil. Ce qui compte, c'est ce que nous faisons pour répondre aux abus qui ont eu lieu sur le recours à des cabinets de conseil extérieurs. Moi, je le reconnais bien volontiers, je pense que nous sommes allés trop loin. Pas sûr que cet aveu du ministre de l'Économie et des Finances soit du goût du chef de l'État. Si on avait l'esprit mal tourné, on pourrait même penser que Bruno Le Maire cherche à prendre ses distances avec cette affaire. Le feuilleton ne fait que commencer. Week-end pourri pour Yannick Jadot et Sandrine Rousseau. Samedi, les adhérents d'Europe Écologie Les Verts étaient appelés à se prononcer sur les 6 motions en lice pour le congrès du mouvement. Et surprise, ils ont rejeté les textes que les 2 rivaux de la présidentielle soutenaient. Sophie Bussière, soutenue par Yannick Jadot, a recueilli 18% des voix. et Mélissa Camara, soutenue par Sandrine Rousseau, plafonne à 13,5%. À l'évidence, les écologistes ont décidé de tourner la page des frères et des sœurs ennemis. C'est Marine Tondelier, soutenue par Julien Bayou et la direction sortante, mais aussi Éric Piolle, le maire de Grenoble, qui l'emporte avec 47% des voix. Conseillère municipale d'Hénin-Beaumont, dans les Hauts-de-France, commune dirigée par le RN, Marine Tondelier prêche une écologie populaire. Entendez, une écologie qui s'adresse à cette France rurale et périrurale, délaissée par la gauche et encore plus par les écologistes. Ça veut dire aller faire de l'écologie populaire, aller renouer avec les quartiers populaires, avec les ruralités. Il faut qu'on soit en mesure de dialoguer avec toutes ces personnes, de refonder un nouveau parti d'écologie avant l'été et d'ici la fin du mandat d'être 1 million de sympathisants. Je pense que l'écologie le vaut bien. Un combat similaire à celui que mène François Ruffin au sein de l'AFI. D'ailleurs, la première a invité le second cet été aux journées du mouvement. À Grenoble. La principale force de Marine Tondelier est peut-être d'avoir su maintenir un faible capital d'antipathie au sein de sa propre famille politique, ce qui en soit une performance tant ce mouvement a l'habitude de générer des personnalités clivantes. Même si elle est arrivée en tête, la favorite du scrutin n'a pas encore gagné. C'est le 10 décembre que les 400 délégués élus ce samedi par les adhérents choisiront leur secrétaire national. Si elle ne veut pas voir un front des minoritaires lui barrer la route, Marine Tondelier doit absolument passer des alliances. Pour diriger le parti, il faut en effet disposer de 60% des sièges au Conseil fédéral. Ses proches assurent qu'elle y parviendra. Yannick Jadot, lui, vient de lancer son propre club politique. Ça s'appelle Maison Commune. Une nouvelle chapelle dans un parti qui n'en manque pas. Aujourd'hui et demain, le groupe Renaissance présente plusieurs propositions de loi, dont un texte baptisé « Protection des logements contre l'occupation illicite ». Un texte voté en commission par LR et le Rassemblement National. Les députés Renaissance ayant passablement perturbé la niche parlementaire de la France Insoumise, on guettera avec gourmandise l'attitude des élus insoumis. Rendront-ils aux macronistes la monnaie de leur pièce ? Merci d'avoir regardé ce numéro de Pôle Express. Si vous avez apprécié ce format, n'hésitez pas à liker, à vous abonner et à cliquer sur la cloche pour les notifications. Et pour nous soutenir financièrement, c'est par ici. Ce sont vos dons et vos abonnements qui permettent à cette chaîne d'exister et de continuer. Merci à tous ceux qui ont fait un geste, et pour les autres, on compte sur vous. À jeudi pour le bonbon de Serge, et à lundi pour un prochain numéro de Pôle Express. ici, c'est l'ancienne ligne de chemin de fer. D'accord. Donc qui est hors de service, inexploitée depuis la Deuxième Guerre. Tout ça va être réhabilité pour acheminer les colis. Donc il y a des trains avec des colis radioactifs qui vont passer sur vos terres là. Complètement. Ce sera bientôt ici, le terminus des trains de déchets radioactifs. Ils passeront là, entre ces deux rangées d'arbres. Mais pour le moment, où vont-ils ? Nous allons remonter la filière, en prenant un exemple. Voilà une centrale nucléaire, qui, comme les autres, envoie régulièrement ses déchets radioactifs par train. On appelle ça un convoi Castor. Des transports comme celui-ci, il y en a en moyenne en France, un tous les deux jours. Il y a 18 centrales nucléaires sur tout le territoire, et elles envoient leurs déchets au même endroit. Les trains rejoignent tous la Normandie, plus précisément la gare de Valognes. C'est là qu'arrivent tous ces wagons blancs. Nous y retrouvons Yannick, notre militant antinucléaire. Donc, ce qui arrive ici, c'est tous les combustibles usés des centrales nucléaires françaises. Notre présence est immédiatement signalée. Et quelques minutes plus tard, les gendarmes arrivent. Bonjour. Bonjour. Normal. Ben voilà, ben normal. C'est un point sensible. Bah oui, c'est normal. Ah, c'est bien systématiquement. Hein. Comme je dis à tout le monde, si la brigade de Valognes elle existe aussi près, c'est qu'il y a une raison. Oh, pas. Les déchets arrivent ici dans le train à gauche et vont repartir par le camion de droite. Ils vident le train, sortent le conteneur de déchets radioactifs qui quitte le wagon pour rejoindre le camion, juste à côté. Donc là, on a un camion qui se prépare à partir. Il s'agit donc de combustibles usés, donc là, de déchets de très haute activité. Hein. Dans ce camion, les déchets sont encapsulés dans du plomb. Et où va-t-il, ce convoi exceptionnel ? Rejoint-il une route totalement fermée ? Un site militaire ? Vous allez voir. Donc là, on a un conteneur qui fait à peu près 135 tonnes. Et si on ne veut pas le rater, il ne faut pas qu'on traîne. Si on a le droit de rester aussi près, c'est parce que les gendarmes ont d'abord contrôlé nos papiers. Ces transports sont suivis, étroitement suivis, parce que de fait, ils sont extrêmement sensibles et extrêmement dangereux. Escorté par deux motards, il emprunte une quatre voies, toujours ouverte à la circulation. Puis il s'engage sur une petite route, où les carrefours ne sont pas sécurisés. Pour savoir si ces convois émettent des radiations, nous avons apporté un compteur Geiger et nous attendons un camion au bord de la route. Nous allons avoir la réponse, immédiatement, en écoutant l'instrument. Microsieverts. Le convoi respecte les normes françaises, mais nous sommes surpris de le voir passer à proximité des habitations. Là, on est dans le village de Saint-Martin-de-Gréard, et de fait, on a, là, aujourd'hui, on va en avoir au moins deux, hein, un ce matin, un cet après-midi. Le convoi avance à vitesse réduite. Il va mettre une heure pour parcourir 40 km et finir sa route à l'usine de retraitement de la Hague, que voici. Vous êtes sur l'endroit sur lequel il y a la plus grande concentration de radioactivité au monde. C'est un centre unique. Nous sommes le seul pays à posséder une unité de retraitement des déchets en service. C'est donc pour cela que nous sommes les seuls à mettre des déchets radioactifs sur des trains ou des camions pour traverser le territoire et tout centraliser ici. Orano nous montre la chambre spéciale où ils ouvrent les colis après l'arrivée des camions. Là, ce qu'on voit en train de sortir, c'est un élément combustible usagé. Absolument. Tout est télécommandé. Il n'y a aucun être humain là-dedans. Il n'y a aucun être humain là-dedans. Et la vitre là qui nous sépare, elle est épaisse ? Elle fait plus d'un mètre vingt de profondeur en fait. Ah oui ? C'est du verre au plomb. Si je rentrais là-dedans, il se passerait quoi pour moi ? Si vous rentrez alors qu'un élément combustible est présent, Et très clairement, vous auriez une exposition létale. Nous découvrons ce qu'il y avait dans les camions. Des tubes remplis d'uranium usagé, sortis des réacteurs. Ensuite, on va le transférer en piscine, là pour assurer le refroidissement dans l'eau pendant plusieurs années. Nous allons donc visiter une piscine. Pas une piscine olympique. C'est bien plus grand. Ah ouais. Donc voilà une des piscines d'entreposage des combustibles usés sur le site de l'Arc. C'est immense. Ouais, elle fait à peu près 80 mètres de long sur une vingtaine de mètres de large. Des piscines comme celle-ci, il y en a 4 sur le site. Les voilà, les déchets nucléaires, sous nos yeux, dans cette eau cristalline, à l'intérieur de ces paniers, transportés par robots. Il y a 4 mètres d'eau au-dessus de chaque panier. Et ça suffit à nous protéger des radiations, sans problème. L'eau est renouvelée en permanence. Sinon, elle se mettrait à bouillir. L'eau, elle devient quoi après ? Cette eau, elle est recyclée, elle est filtrée, elle est refroidie. J'imagine qu'elle est contaminée ? Oui, forcément, elle est au contact des éléments combustibles, donc il y a des traces de radioactivité, hein, mais on n'est pas à des niveaux de contamination très élevés. L'usine ne rejette rien dans l'environnement ? L'usine a des autorisations de rejet. Lesquelles il y a de la radioactivité ? Absolument, mais c'est vraiment les traces ultimes de radioactivité que l'on rejette à l'issue du traitement en mer. Et ça pose aucun problème de rejeter de l'eau qui contient des traces de radioactivité dans la mer ? L'ensemble des rejets, ils sont effectivement dispersés en mer avec des niveaux de dilution qui font que très rapidement, en fait, les activités sont très très très faibles. Vous l'avez deviné, Yannick a un autre point de vue sur la situation. Très faible, peut-être radioactif malgré tout. Il y a 4,5 km de tuyaux qui passent ici sous le sol, hein, pour venir sur la plage ici. Ensuite, il y a 4,5 km de tuyaux qui partent en mer. Ici même, on rejette à peu près en 2 semaines et demie la totalité de ce qu'il y a dans toutes les cuves de Fukushima aujourd'hui dont on parle tant. Tout cela est parfaitement légal. Les normes françaises autorise l'usine de La Hague à rejeter en mer notamment du tritium, un élément radioactif. Et ce n'est pas le seul problème que pose ce site. Elle a l'air bien pleine, cette piscine. À ce rythme-là, elles seront pleines dans combien d'années ? Aujourd'hui, l'entreposage des piscines nous permet finalement d'aller jusqu'en 2030. Vous avez bien entendu. Les piscines seront pleines dans 8 ans. Et nous allons en apprendre bien plus par hasard. Au moment où nous avions cette discussion, le porte-parole d'Orano parle de notre visite sur les réseaux sociaux. C'est parti pour la découverte de l'usine. Et un certain Tristan Camin répond « Nier le risque réel d'une saturation risque de ne pas mener à des jours heureux. » Le site serait donc bientôt saturé. Et qui est ce Tristan Camin qui nous alarme ? Ça semble incroyable, mais c'est un ingénieur d'Orano. Nous le contactons. Il accepte de nous répondre, à condition que nous précisions qu'il parle en son nom propre. Je m'appelle Tristan, je suis ingénieur d'études de sûreté nucléaire depuis bientôt 5 ans. Moi, je suis très favorable au nucléaire comme outil de transition énergétique, mais moi, je me suis fait en fait l'avocat du diable en voulant rappeler qu'il y a des limites sur les capacités des piscines qui se rapprochent dangereusement et qu'il ne faut pas négliger. Il est prévu de construire une installation supplémentaire. Mais elle ne sera jamais prête avant 2034. En attendant, Orano prévoit de surcharger les piscines actuelles. Sauf que pour le moment, ils n'en ont pas l'autorisation. Le problème, c'est que si elles sont remplies, EDF ne va plus pouvoir décharger ses réacteurs dans ces piscines-là. Et à terme, EDF ne pourra juste plus faire fonctionner ses réacteurs. Il faudra les arrêter et le système électrique français n'est pas du tout en mesure d'encaisser ça. Vous avez bien compris. En 2030, ces piscines risquent d'être saturées. Et la nouvelle installation ne sera prête que 4 ans plus tard. Si toutes les piscines arrivent à saturation, qu'est-ce qui se passe ? Il y a des réacteurs qui doivent s'arrêter. Concrètement, c'est ça le risque ? Oui, mais aujourd'hui, d'un point de vue industriel, tout est mis en œuvre. Donc on ne sera pas confronté à cette situation. Ces piscines ne sont que des salles d'attente pour nos déchets. Une fois refroidis, ils finissent par sortir. Ils sont restés 10 ans. Et vont maintenant pouvoir être retraités. L'immense majorité du combustible est considérée comme recyclable et conservée avec l'idée de le réutiliser un jour dans une centrale. Mais il reste une partie de déchets ultimes, stockés dans des containers. La France en a déjà accumulé 37 000. Et ces déchets-là vont rester radioactifs pendant au moins 100 000 ans. Les voilà, ces containers. À l'intérieur, les déchets nucléaires ont été vitrifiés, enfermés dans du verre. Ce sont ces bonbonnes qu'on doit enterrer à Bure. Mais comme le centre n'est toujours pas opérationnel, où vont-elles ? Nulle part. Elles restent ici. Qu'est-ce que c'est, là, sous nos pieds ? Donc, sous nos pieds, on a en fait des déchets vitrifiés, déchets ultimes, qui ne peuvent pas être recyclés. Donc, ce qui est juste en dessous de nous, là, c'est les plus radioactifs de tous les déchets nucléaires. C'est ce qu'on appelle aujourd'hui les déchets haute activité bidon. Ils sont donc là, sous nos pieds. Les déchets les plus dangereux destinés à être enfouis pour l'éternité à 500 mètres sous terre. C'est un centre ventilé 24 heures sur 24, pour éviter que la chaleur ne s'accumule. On peut les sortir, les fûts ? Bien évidemment qu'on peut les sortir, mais pas en présence d'acteurs dans ce hall. Mais en fait, l'introduction et la sortie des fûts se fait grâce à l'installation qu'on voit derrière nous pour le transporter dans un autre site d'entreposage. On ne peut pas garder ces déchets pendant 100 000 ans dans ce type de bâtiment, c'est pas possible. En tout cas, c'est difficilement envisageable. Donc, si je comprends bien, ici, c'est un stockage temporaire. Tout à fait. Il reste beaucoup de place pour stocker ce type de déchets, mais vous arrivez à saturation. Ce sont des installations qu'on sait reproduire. Donc, la prochaine sera mise en service fin 2022 et la prochaine sera mise en service en 2027. Du temporaire qui dure. On n'arrête pas de construire de nouvelles installations pour nos déchets les plus radioactifs. On voit qu'on a la partie verte, hein, qui est historique, qui est là depuis longtemps, et puis on a construit une deuxième extension, puis actuellement on est en train de construire encore une extension. Ce qui veut dire qu'en fait ici, ce qui est derrière nous, bien qu'on le qualifie d'entreposage temporaire, est en réalité un stockage. Donc on est vraiment dans un système de toujours plus de poubelles pour mettre toujours plus de déchets. Qui gérera ? Ben, clairement, c'est nos petits-petits-petits-enfants. Revue de presse. On dit toujours des pauvres, c'est des assistés. Mais moi, ayant vécu des deux côtés du monde, je peux vous dire à quel point la bourgeoisie est assistée dès la naissance, à tous les privilèges, le capital scolaire, etc. Les éléments de langage qu'on entend sont totalement faux. L'assistanat est du côté de ceux qui ont déjà tout. Signé Édouard Louis. Tissu de banalité et de promesses, mille fois non tenues. C'est les vœux de Macron. D'autosatisfaction et de mensonges et une déclaration de guerre sociale. Déclaration de guerre sociale à coup de réforme de l'assurance chômage et des retraites. Chômage, retraite, chômage, retraite. Ce président ne sait que mépriser le peuple. Il n'y a rien à attendre de lui. Communiqué de l'ADEMAT H. Notre association lutte depuis 7 ans pour maintenir un hôpital général à Remiremont, avec maternité, chirurgie et médecine proche des populations. Sans cet hôpital, beaucoup d'entre nous dans nos vallées et de moyennes montagnes n'auraient souvent le choix qu'entre renoncement aux soins et perte de chance. Or, depuis 15 jours, nous assistons à un déferlement médiatique à la rencontre de l'hôpital dont nous pensons légitimement qu'il ne sert pas les patients, mais vise à enfoncer encore davantage le service public. Service public. Déjà bien affaibli par des dizaines d'années de choix politiques désastreux. Tarification à l'activité, objectif de dépenses annuelles largement en dessous des besoins, management, importer des entreprises privées et seulement orienter du point de vue financier vers la réduction de la dépense, notamment de personnel, etc. ADEMAT H respecte la douleur des familles endeuillées et estime qu'une information claire n'a pas été suffisamment apportée aux familles. ADEMAT H rappelle qu'il existe une commission des usagers, CDU, dans chaque hôpital. Tous les décès mis sur la place publique relèvent du secret médical et aucun observateur ne dispose des éléments objectifs pour juger. Aussi, à qui sert cet acharnement médiatique, au-delà de vendre du papier et de faire monter l'audimat? Pour sûr, ni à la population des Hauts-de-Vosges, ni au service public hospitalier. Service public hospitalier. Nous n'avons pas à interférer dans les affaires en cours d'instruction, même si la judiciarisation de notre société nous inquiète. L'émotion légitime des familles ne justifie pas l'exploitation médiatique qui en est faite, alimentée par le sens de la communication d'une avocate qui se fait une publicité gratuite. L'ADEMAT H est au service et à l'écoute des usagers. Elle rappelle que des milliers de citoyens agissent dans notre pays pour que la santé ne devienne pas une marchandise, et qu'il y ait un véritable droit à la santé pour tous et partout avec un hôpital général à moins de 30 minutes, avec les moyens financiers et humains permettant de fonctionner correctement. Ils ne font pas la une des médias. Ces derniers ont pourtant contribué au soutien de la population au personnel de santé pendant la première vague de Covid. Ne faisons ni le procès de l'hôpital qui sauve des vies, ni celui des personnels. Ils subissent les effets de politiques de santé, qui n'ont comme priorité que de réduire les dépenses du service public et de favoriser le secteur privé. Alors ça, c'est souligné, favoriser le secteur privé, hein ? Eh oui, favoriser le secteur privé, qui aspire les moyens de la sécurité sociale financés par tous. Eh oui, la sécurité sociale est bien financée par tous, ou presque, pour rémunérer grassement quelques actionnaires, bien souvent, des fonds de pension anglo-saxons. La presse peut-elle faire preuve d'indépendance pour aborder ces questions de santé publique sous cet angle? au service de qui est-elle, la presse? Au service de qui? Hein? On peut poser la question quand même, et savoir si ça vaut le coup de reprendre l'abonnement. Ornithorac a envoyé « La police tue, l'hôpital agonise, l'enseignement est au bout du rouleau, on va manquer d'eau, on va manquer d'électricité, on va manquer de nourriture. Il y a des gens qui vont voter à droite au cas où ils deviendraient riches demain, alors qu'on deviendra seulement mort. » Gérard Miller, il ne faut pas inscrire le droit à l'avortement dans la Constitution en réaction à ce qui s'est passé aux USA, disent certains. En effet, il faut l'inscrire en prévision de ce qui pourrait se passer en France. Qui saurait faire confiance au RN et à ses possibles alliés? RN et ses possibles alliés. François Ruffin. Coupure de courant, pénurie de Doliprane, prof recruté en job dating, urgence qui ferme, inflation à 12% en supermarché. Imaginez que ça soit ça, que ça soit la gauche au pouvoir. Les médias diraient quoi? Hein? Qu'est-ce qu'ils diraient? C'est le Venezuela? Point d'interrogation. Mais ce chaos, c'est la Macronie. Alors ça va. Exclu. La crèche du siège du FN. Sans juifs, sans arabes, sans africains et sans migrants. Joyeux Noël à tous les pseudo-patriotes. C'était pour Noël. Braquer une banque est un crime, mais pas autant que d'en fonder une. Qui a dit ça? Bertolt Brecht. Ah oui, c'est déjà ancien. Eh oui, pourtant, c'est en cours d'actualité. Venir pleurer des larmes de crocodile sur le score du RN, alors que dans 56 duels sur 61, entre le RN et la NUPES, les candidats Macron ont refusé d'appeler au barrage républicain. Vous pouvez vous tortiller dans tous les sens. Voilà qui vous êtes. Et ça ne s'oubliera pas. Ah oui. Les Allemands, ils ont voté pour Hitler. Ils ont voté. Ah oui. Le coup d'État, c'était en 1924. En 1933, c'était des élections. Ce mercredi 7 décembre, alors que nous donnions une conférence à l'université de Bordeaux dans le cadre de l'opération La FI NUPES débarque dans ta fac, une trentaine de militants d'extrême droite ont tenté de s'introduire dans l'amphithéâtre afin d'agresser le public et les députés Carlos Martins Bilongo et Louis Boyard. Les individus étaient notamment armés de matraques télescopiques. Des membres du service d'ordre ont été blessés. Grâce au courage des membres du service d'ordre, l'attaque a pu être repoussée. La police est intervenue dans un second temps pour que la conférence puisse se terminer et que le public soit évacué. Ces actes de violence qui s'apparentent à une expédition punitive s'inscrivent dans un contexte de banalisation de l'extrême droite. Entrée de 89 députés du Rassemblement national à l'Assemblée. Élection de membres du Rassemblement national à la vice-présidence de l'Assemblée. Manifestation identitaire et violente faite suite à l'affaire Lola. Insulte raciste proférée par un député du Rassemblement national à l'encontre de Carlos Martins Bilongo dans l'hémicycle. Nous demandons ce soir au ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, une réaction à la hauteur de la violence de cette attaque contre les groupuscules d'extrême droite. Voilà, ben oui, bon, entre l'extrême droite et la soi-disant droite, il n'y a pas beaucoup de différence. Bure délibéré le 26 janvier pour les opposants à CIGEO. Ensuite, l'élection d'Éric Ciotti divise les républicains vosgiens. Ah, républicains, c'est un titre qu'il faudrait porter de façon honorable, républicains. Il faudrait être vraiment républicain. Manuel Bompard, premier des insoumis. Le Parlement européen dans la tourmente. Eh oui. Une vice-présidente du Parlement européen écrouée. 600 000 euros en petites coupures saisies dans les sacs. Les domiciles d'eurodéputés perquisitionnés. Une déflagration s'est abattue sur Bruxelles, dont les conséquences s'annoncent désastreuses. Peut-être que non, peut-être que ça va réveiller l'ensemble des électeurs européens. Hein, ça va les réveiller, les électeurs. Mais oui. Les électeurs vont se réveiller. Eh oui, parce que l'Europe est en danger, pas seulement l'Europe. C'est peu dire que l'image du Parlement européen, qui suscitait déjà la méfiance d'une partie de l'opinion, est écornée par ce scandale. On connaît de longue date le pouvoir des lobbies au sein des institutions européennes. En 2019, et puis pas qu'en Europe, hein. Et Paris, Macron était... Oh là là. En 2019, si ça se trouve, Macron, il va ramasser plus de peines de prison encore que comment il s'appelait, que Sarkozy. Voilà, Sarkozy. Hein? Et Chirac, vous vous rappelez? Heureusement qu'il est tombé malade, sinon, il y avait de la prison qui l'attendait. En 2019, des anciens présidents de la République qui risquent d'aller en prison. Vous trouvez ça normal? En 2019, Le Monde estimait à plus de 25 000 l'armée de lobbyistes. L'armée de lobbyistes. 25 000. De façon régulière à Bruxelles, leur rôle consiste à intervenir auprès des fonctionnaires et des élus occupant des postes stratégiques pour tenter d'infléchir leur position, leur suggérer un amendement sur des dossiers économiques ou politiques sensibles. La politique, elle est pourrie jusqu'à la moelle par certains, à certains endroits. Eh oui. Corruption présumée, Eva Kaili écrouée. L'eurodéputé grec s'est vu retirer samedi son mandat de vice-présidente du Parlement européen. Oui, voilà. Quel beau monde, hein. Et c'est nous qui avons voté pour des gens comme ça. Enfin, nous, certains d'entre nous, hein. Pas tous, parce que moi j'en connais qui, depuis 50 ans, votent du bon côté. Un CRS jugé aux assises. La tension avait été particulièrement forte à Paris le 15 septembre 2016 lors de la manifestation contre la loi travail. Un brigadier chef est jugé à partir de ce lundi devant la cour d'assises de Paris, accusé de lancer, entre guillemets, injustifié, de grenades qui a éborgné un syndicaliste lors d'une manifestation contre la loi travail en 2016. Quel beau pays, quelle belle république la France. Hein? Ah oui. Depuis l'arrivée au pouvoir de Macron, c'est encore plus dégueulasse qu'avant. Eh oui. Les effets de la consommation à outrance, 4 milliards. L'industrie textile génère 4 milliards de tonnes d'équivalent de CO2 par an. C'est plus que l'impact des vols internationaux et du trafic maritime réunis. Ah oui. Ben, faut continuer à voler en avion et puis fermer les entreprises, hein. C'est peut-être ça la solution, non? Qu'est-ce que vous en pensez? Non, je dis ça un peu naïvement, hein, faudrait réfléchir avant de parler. 14,5%. À l'échelle mondiale, l'élevage représente 14,5% des gaz à effet de serre, soit autant que le secteur du transport. En outre, la production de viande et d'œufs nécessite des quantités d'eau plus importantes que celles des céréales et des légumineuses. Ouais, céréales, légumineuses. 7 milliards, chaque année, 7 milliards de grands arbres sont abattus dans le monde pour un besoin économique immédiat. Ouais, approuvé ça, besoin économique immédiat. Sans être remplacé, ce qui représente 200 000 km² de forêts coupées. La surface de la Guyane. Voilà, ben oui. Il y a des gens qui gouvernent en notre nom, hein, qui ont été soi-disant élus par nous. Des audacies, des fermetures de lits et une baisse d'activité annoncée. À Gérardmer, un service était partiellement fermé le 25 décembre. Voilà. Les événements politiques. Marine Le Pen en tête au second tour de l'élection présidentielle. Alors, il y a quelqu'un qui a rajouté en haut, Vogesen. Nazismus ist über alles. Vogesen, Nazismus ist über alles. Alors moi, je j'y connais rien à hard rock metal, je vous donnerai pas la traduction. Hein. L'anglais, j'en ai pas fait beaucoup. L'économie, inflation a été au cœur des préoccupations des ménages. Le Val d'Ajol mobilisé pour son collège. Ah, il s'en passe des choses quand même, hein. Gérardmer a perdu près de 1000 habitants entre 2008 et 2019. Voilà, Saint-Dié-des-Vosges, moins 825, Mirecourt, moins 662, Thaon-les-Vosges, moins 483, Gérardmer, moins 454, Rambervillers, moins 419. Remiremont, non, il n'y a pas eu de... Non, les HLM du Rumont ont été dynamités parce qu'ils étaient trop vieux, hein. Oh oui, parce que c'est pas qu'il n'y avait plus d'habitants. Non, c'était parce qu'ils étaient trop vieux. Et il n'y aurait plus eu d'habitants, pourquoi? Parce que Montefibre et d'autres usines du coin ont fermé. Oh, allons, vous voyez le mal partout, hein. Ah oh, oui, moi je crois que vous allez mal voter le prochain coup. Oh oui, si ça se trouve, hein. Oh, oh. Gloire à nos élus et à leurs électeurs. Le département continue à perdre des habitants depuis 40 ans. Hein. Voilà. Ainsi, entre 2014 et 2020, le département a encore perdu 11 000 habitants. Le département a perdu 11 000 habitants entre 2014 et 2020. Bravo, les électeurs vosgiens.